Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Le cerveau est une fabuleuse machine à penser, mais aussi un grand territoire méconnu. C'est ce que nous a raconté hier dans Les Aventuriers le chercheur en neurologie Laurent Cohen. Le langage des neurones n'est plus totalement obscur, mais on ne sait toujours presque rien sur la mémoire. Les premières découvertes ne datent que du milieu du XXe siècle et elles viennent d'observations de cas cliniques. C'est Pierre-Marie Liédeau qui va aujourd'hui nous parler de la mémoire. Ce neurobiologiste, membre de l'Académie européenne des sciences, directeur de recherche au CNRS, est directeur du département de neurosciences à l'Institut Pasteur. Il y dirige le laboratoire de recherche Perception et Mémoire. C'est dans ce laboratoire que Pierre-Marie Liédeau a fait avec d'autres chercheurs une découverte très surprenante il y a quelques années. Le cerveau, contrairement à ce que l'on pensait, se régénère. Chaque jour, de nouveaux neurones apparaissent. Ces nouveaux neurones sont indispensables au fonctionnement de la mémoire. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. En fait, la mémoire de tout temps, elle a évidemment passionné l'humanité parce que c'est quand même un processus mental magique qui fait que, d'abord, on est ce que l'on est grâce à la mémoire. On n'a pas idée. On sait tous que ça nous permet de retrouver les clés, mais c'est surtout aussi l'identité du sujet. Je me reconnais devant le miroir. Quand bien même mon visage va évoluer dans le temps, je le reconnaîtrai. J'aurai donc une conscience de moi parce que j'ai une mémoire. Donc, c'est très intéressant de voir que, pratiquement, au niveau des pré-socratiques, on a déjà, avant de comprendre comment était la mémoire, inventer des techniques. Les pré-socratiques étaient en train de comprendre comment la mémoire pouvait être en fait un outil, un art, l'art de la mémoire. On a un personnage fort célèbre, Simon D. Dekeos, qui sera appelé, lors d'un banquet, à faire les louanges de son hôte. Peut-être par malice, il passera la moitié de son temps à faire les louanges de l'hôte et puis l'autre moitié du temps à faire les louanges de Castor et Pollux. Et puis, on vient l'interrompre pour lui dire que ce sont des choses qui ne se font pas et un servant vient l'appeler pour lui dire qu'il y a deux personnes étrangères à ce banquet qui l'attendent dehors. Finalement, il va sortir. Et les pauvres malheureux à l'intérieur de cet édifice seront écrasés par le toit qui viendra détruire l'ensemble du bâtiment et voir tous les convives de ce banquet périr. Ces dépouilles étaient dans un tel état qu'on ne pouvait plus les identifier. Et donc ce philosophe va utiliser la mémoire de l'espace. Il va se rappeler que pendant son discours, un tel avait fait des remarques, un tel autre avait eu des émotions, avait souri, etc., etc. Et donc, il va se rendre compte qu'il est capable de se remémorer la position de ses convives lors du banquet en fonction de l'espace. Et un peu plus tard, Cicéron va utiliser la même technique pour apprendre un discours. Alors, on n'était pas encore dans les discours fleuves de Castro, mais les discours de Cicéron pouvaient durer. Eh bien, il avait appris son texte tout en marchant. Et vous le savez, quand on voit des enfants, parfois, apprendre une leçon, ils ne peuvent pas tenir sur leur chaise. Ils ont raison, car déjà, les philosophes de la Grèce antique nous montraient que pour apprendre, eh bien, on peut marcher. Et en marchant, on peut prendre des repères spatiaux qui vont nous aider pour associer des concepts. Moi, je l'utilise quand je pars faire les courses. J'ai une liste à apprendre, mais cette liste, je sais que si j'ai tranches de jambon, eh bien, je passe devant une sculpture, je l'imagine avec des tranches de jambon. Et une fois dans le supermarché, je me revois défiler comme Cicéron et je revois ma liste de courses apparaître. Voilà, donc avant de comprendre comment fonctionnait la mémoire, on a utilisé la mémoire comme un art, comme une technique. On est dans la Grèce antique, mais très vite, on va essayer d'établir des corrélations entre des dégâts causés dans un cerveau Et le résultat de ces dégâts, on a les gladiateurs par exemple sous la main à l'époque. Des gladiateurs qui vont prendre des coups de javelot, des coups d'épée, sur le côté droit, sur le côté gauche, dans l'œil, traversant le cerveau. Et on va très vite établir des relations entre la structure des régions du cerveau et les déficits qui vont être associés. Mais je dirais que peut-être les plus grandes avancées par l'observation des cas cliniques, c'est quand même un cas qui est resté unique dans les annales, c'est le fameux cas HM pour les initiales de son nom, car cette personne est restée pendant très longtemps, évidemment, dans l'anonymat, pour des raisons évidentes d'éthique en médecine. Cette personne, qui vivait dans le Connecticut, à l'âge de 9 ans, donc là nous sommes en 1953 précisément, vous voyez, j'utilise ma mémoire, et ce jeune homme de 9 ans, fait une chute malheureuse de son vélo et la tête va heurter le trottoir. Rien n'apparaît suite à cette chute, hormis sur les jours, les semaines et les mois qui vont venir, cet enfant va subir des crises d'épilepsie de plus en plus importantes, voire invalidantes. On va essayer de le traiter par toutes les approches médicamenteuses que l'on avait dans l'arsenal thérapeutique chimique. Et aucune de ces stratégies ne pourra sauver ce jeune homme. On arrivera donc à la conclusion que le seul moyen de pouvoir le sauver, c'est de supprimer les foyers épileptiques. C'est, je le rappelle, les époques où on n'hésite pas pour traiter n'importe quel dysfonctionnement à supprimer. Les parties épileptiques étaient réparties dans le cerveau, dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche. Et ce jeune homme est sauvé de ces crises d'épilepsie. Magnifique, magnifique, hormis le fait que, suite à l'intervention, il se souvenait très bien de tous les événements avant l'accident, mais plus aucun pouvait être formé après l'accident. Donc là, on avait un patient qui était une espèce de mystère pour les psychologues qui l'ont suivi. Par exemple, cette personne, vous pouviez la voir, s'entretenir avec elle pendant une heure et elle avait un discours tout à fait cohérent. Donc elle se souvenait de ce qu'elle vous avait dit il y a une heure et à la fin de la conversation, tout allait bien. Vous pouviez la rencontrer le lendemain et elle vous saluait comme si c'était la première fois. Voilà, donc une mémoire à court terme, d'ores et déjà sur ce cas-là, on a défini deux types de mémoire, une mémoire à court terme et puis une mémoire à long terme que l'on va mobiliser lorsque l'on doit se souvenir ce qui s'est passé la veille, les semaines, les mois après. Donc ce fameux cas HM qui depuis est décédé et on a révélé son identité, son décès remonte à 2008, il s'appelle Henri Molaison. Et donc en 2008, son cerveau a pu être débité en tranches, on l'a numérisé et on a offert toutes ces données à la planète. Ça fait partie aujourd'hui des atlas que vous pouvez consulter. Et on a ici essayé de comprendre tous ces défauts de la mémoire, eh bien où est-ce qu'ils résidaient, quelles avaient été les conséquences malheureuses de cette ablation de cette structure qui s'appelle l'hippocampe en raison de sa ressemblance avec le cheval marin. Disons qu'à partir de ces observations du cerveau du cas HM, on a pu établir un principe qui reste aujourd'hui fondamental. La mémoire n'a pas de siège. Elle n'est pas dans une région, mais elle est éclatée. Parce qu'on a vu, lorsque on a extirpé l'hippocampe, on croyait que les territoires qui avaient été supprimés étaient relativement restreints. Et en fait, on a pu voir tous les dégâts de cette chirurgie. Alors, depuis le cas HM, la science ne s'est évidemment pas arrêtée sur les interrogations que l'on pouvait avoir sur le fonctionnement de notre cerveau, surtout dans ses rapports avec la mémoire. Mais on a été dans des analyses depuis les années 50, 60, 70, très globales, en essayant de comprendre la mémoire au travers du comportement du sujet. Et puis on a eu un pionnier qui a eu le courage, comme il faut souvent avoir le courage, de ne pas suivre les autres. Et de se dire que peut-être que la mémoire est un processus conservé. Que si finalement je voulais comprendre la mémoire de l'humain, j'aurais peut-être intérêt à regarder des organismes beaucoup moins compliqués. Et sur lesquels on peut manipuler. évidemment, pour des raisons d'éthique, on ne le fait pas sur l'humain. Et donc cet aventurier s'appelle Eric Kandel, qui d'ailleurs a obtenu le prix Nobel en 2000 exactement, pour ses découvertes des processus moléculaires de la mémoire. Là, il va y avoir une vraie révolution scientifique, puisque, au travers de beaucoup d'autres informations, la plus grande à retenir des travaux d'Eric Kandel, c'est que la mémoire, ce n'est même pas dans le cerveau ou dans le neurone, mais c'est dans les contacts entre les neurones. L'hippocampe est une structure profonde du cerveau qui joue un rôle essentiel dans le stockage d'informations complexes concernant les personnes, les lieux ou les objets. Ici, il s'agit donc d'un objet, la voiture, et d'un lieu, mon appartement. Un signal est envoyé à l'hippocampe par la voiture bleue, c'est-à-dire par la partie de mon cerveau qui gère la vision. Ce signal atteint les cellules de l'hippocampe, qui elles-mêmes en atteignent d'autres, etc. Si ce souvenir me procure du plaisir et qu'il est important, je vais activer un système modulaire dans le cerveau dont la dopamine et la sérotonine font partie. Celles-ci vont libérer une substance chimique intermédiaire pour renforcer la connexion synaptique. Les synapses concernées ne comportent à présent non plus un seul terminal, mais trois. Je ressens donc très fort le sentiment de plaisir. Je peux y repenser le lendemain, une semaine, un mois ou un an plus tard, puisque ce souvenir est imprimé de manière permanente dans mon cerveau. Ce moment était si intense émotionnellement que je l'ai gravé pour toujours. J'ai modifié les gènes à l'intérieur de mes neurones. J'ai modifié l'expression des gènes. De nouvelles connexions synaptiques, plus grandes, ont été créées. Et dans certains cas, ces connexions peuvent durer toute une vie. La révolution d'Eric Kandel tient dans le fait qu'on a un mécanisme qui nous permet d'expliquer les processus mnésiques, comment notre mémoire, l'apprentissage et la mémoire fonctionnent. Mais je pense que peut-être la plus grande surprise, c'est de montrer le caractère invariant, quelle que soit l'espèce, l'organisme sur lequel on va se pencher. Et il faut rappeler évidemment à nos auditeurs que les travaux d'Eric Kandel se sont faits sur la limace de mer et que de ces travaux, de cette observation sur la limace de mer, qu'aujourd'hui, lorsque l'on utilise des substances pour améliorer notre cerveau, pour améliorer sa mémoire, eh bien, ce sont les mêmes qui ont été identifiés par Eric Kandel sur la limace de mer. Et voici Gorillaz et George Benson sur France Inter. Humility. Isolation, 'cause right now that's the ball where we be trained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling. On sait depuis peu que toutes les mémoires des êtres vivants fonctionnent de la même façon, celle du poisson rouge, de l'humain ou de la limace de mer. Les travaux du chercheur américain Eric Kandel à la fin du XXe siècle ont permis d'ouvrir la porte d'un monde extraordinaire qui a besoin des émotions pour fonctionner. Pierre-Marie Liédeau, directeur à l'Institut Pasteur du laboratoire de recherche Perception et Mémoire. Ce que l'on peut retenir d'Eric Kandel, ce neurobiologiste, psychiatre de formation, travaillant à l'Université de Columbia, eh bien, c'est que la mémoire réside dans la transmission d'informations entre deux neurones, un neurone A et un neurone B, et que cette transmission de l'information peut être augmentée, et il nous explique que c'est la mémoire, mais il nous montre également que quand elle est augmentée dans certains endroits, pour d'autres parties du même neurone, cette transmission synaptique, cette information qui va transférer entre un neurone A et B, pourra être réduite. Et donc, il nous montre que la transmission synaptique, c'est pas un contact que je mets ou j'allume la lumière, c'est pas on-off, mais c'est soumis par des probabilités. Je renforce la probabilité de communiquer, je réduis la probabilité de communiquer. Et ce qui est assez extraordinaire, on était vraiment sur des travaux précurseurs, c'est qu'il y a quelques années, on démontre que le rôle du rêve, c'est de faire le ménage dans nos souvenirs et que, avant de m'endormir, j'ai eu plein d'informations, mais certaines sont utiles, certaines sont futiles, et donc j'aurais besoin d'oublier pour aussi mémoriser. Et ces processus-là sont les mêmes que l'on a pu décrire dans cette fameuse limace de mer. On découvre finalement que le sommeil, c'est tout. Si l'on ne peut pas dormir, et plus précisément dans cette partie du sommeil, on va parler de phase paradoxale du sommeil, c'est-à-dire que ce qui est le paradoxe, c'est que nous avons confié notre corps à Morphée. En revanche, notre cerveau va se mettre en ébullition comme il est quand nous échangeons en ce moment, quand nous cherchons à comprendre. Et on découvre que dans ces phases particulières du cerveau qui vont durer 15 à 20 minutes, eh bien, le cerveau fait le ménage, consolide de l'information. Donc, on n'apprend pas lorsqu'on dort. Pour apprendre, j'ai besoin d'être éveillé. En revanche, je mémorise, je consolide, je cristallise ce que j'ai appris dans la journée en faisant de l'effort. Ça va se faire tout seul lorsque l'on va rêver. Et donc, c'est très important. Le sommeil est très important pour la mémoire. Certaines personnes pensent qu'elles perdent la mémoire, mais tout simplement, ce qu'il se passe, c'est qu'elles ne dorment pas convenablement, elles ne rêvent pas assez. Après que l'on ait pu découvrir le rôle magique du rêve pour la stabilité, la robustesse de notre mémoire, on s'est aussi intéressé au rôle des émotions. Pourquoi certaines personnes avaient-elles des mémoires indélébiles ? En fait, on s'est rendu compte que lorsqu'elles étaient dans la phase d'acquisition de l'information, car rappelons que la mémoire, c'est trois étapes. Je vais d'abord encoder une information, je vais la traiter en quelque sorte, je vais la stocker et ensuite je vais la restituer. Eh bien, on s'est rendu compte que dans cette première phase où je reçois de l'information, le niveau dans lequel j'ai des émotions va être en fait crucial dans la robustesse de ma mémoire. Et c'est ce que l'on peut appeler les stress post-traumatiques, c'est-à-dire que lorsque vous allez acquérir de l'information, le crissement de pneus, par exemple, d'une voiture parce que vous pilez, et puis malheureusement, c'est l'accident, et certaines personnes dans cette voiture vont être blessées, eh bien, cette émotion que vous avez eue, le bruit des pneumatiques, font que 10 ans plus tard, vous êtes paisiblement attablé en terrasse, et une voiture vient de piler devant vous, vous allez vous remémorer ce que vous avez vécu, vous, il y a 10 ans. Donc, on voit bien qu'il y a une relation très intime entre mémoire et émotion. Et le premier à nous l'avoir indiqué, c'est un pionnier, il s'appelle Pavlov. Ce chercheur russe que pratiquement tout le monde connaît, rappelons que Pavlov a cherché à décrypter comment nous étions capables d'apprendre. Et il faut rappeler qu'à cette époque, dans les années 40, 30, 40, 50, il y a une idée sur le cerveau est un réflexe. C'est comme un muscle. Et donc, on est beaucoup sur un cerveau analogie à la machine. C'est un réflexe. Et Pavlov va justement montrer que le cerveau est un réflexe, peut marcher sous deux formes de réflexe, puisqu'il va montrer que, au départ, le son de la cloche ne produit rien chez le chien, mais qu'après avoir entraîné ce chien en lui en faisant écouter une cloche et le récompenser, eh bien, le chien allait très vite apprendre à associer, lorsqu'il y avait la cloche, la salivation. Et en fait, c'est un réflexe, tout simplement, parce que comme le chien allait manger, bien la salivation était là pour préparer l'acte de la prise de repas. Mais ce que montrent ces travaux, et on les a compris un peu plus tard, c'est que finalement, si cet apprentissage, cet dressage, qu'on pourrait dire pour un chien, a fonctionné aussi bien que cela, c'est parce qu'il y a eu des émotions positives. Le chien, dans sa gamelle, avait de la viande qu'il appréciait évidemment. Et donc c'est parce qu'il y avait une récompense, du plaisir, que le chien a fait un effort pour retenir que la cloche, eh bien, salivation. Et c'est ainsi que, par cette boucle-là, le chien a pu très vite apprendre. Et on le voit aujourd'hui dans le monde de l'éducation, eh bien, lorsqu'on produit des émotions, les enfants apprennent plus vite. Ou dit autrement, le frein le plus puissant en matière d'apprentissage, c'est l'ennui. L'ennui étant défini comme étant l'absence d'émotion. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, lu par André Dussolier. Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi. Isolé, sans la notion de sa cause, il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée, où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième, qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. On peut comprendre son cerveau en s'interrogeant sur comment nous vivons nous-mêmes, notre relation à l'environnement. Et cet exemple-là montre combien le contexte dans lequel il y avait cette information reçue, cette fameuse madeleine, et le contexte agréable de cette madeleine, qui fait que je peux être des décennies plus tard, sentir l'odeur du thé ou de la madeleine et me remémorer, eh bien, tout le contexte complexe qui a entouré cette sensation qui est au départ juste une sensation olfactive. Ce qui est intéressant, c'est que la mémoire, je dirais, au départ, n'est pas tout à fait une affaire de chimie. Bien que la chimie soit très importante, les travaux les plus récents nous indiquent que la mémoire était éclatée et qu'il s'agit, pour expliquer la mémoire, de voir des structures qui peuvent être distantes résonner entre elles. C'est-à-dire se changer de l'électricité et être en synchronisation, en quelque sorte. Alors, quand on parle de la mémoire et d'une structure qui est peut-être la plus importante dans la formation de souvenirs, c'est la fameuse hippocampe, cette structure que l'on va trouver au centre du cerveau. Mais il faut voir l'hippocampe comme une gare de tri, c'est-à-dire que très vite, cette information électrique dans le cerveau va ensuite être transmise dans d'autres territoires. Et selon le site où cette information sera envoyée et sera en résonance avec toujours l'hippocampe, on aura une chimie particulière. La sérotonine peut faire partie de ce neuromédiateur. La dopamine, alors ça par exemple, c'est très intéressant quand on voit que la reconnaissance,

et le cerveau. Alors les enjeux aujourd'hui des neurosciences, c'est de comprendre comment le cerveau arrive à stocker autant d'informations. C'est incroyable qu'un organe qui finalement ne fait qu'un kilo et demi entre nos deux oreilles va être le support d'une mémoire toute notre vie. Quand on a des ordinateurs, on voit très bien que les disques durs sont toujours saturés. Eh bien, chez l'humain, il y a pratiquement un potentiel infini de stockage. Et donc, le mystère est total. Certains vont choisir des approches extrêmement réductionnistes. On s'aperçoit que on parlait des contacts entre nos neurones qui étaient le siège de la mémoire. Eh bien, que au sein même de ces contacts, les récepteurs sont dynamiques, sont mobiles. En fait, peut-être là, il y a une théorie très générale maintenant sur le cerveau. C'est de voir que le cerveau, c'est un organe dynamique. À quel niveau on se place, de la molécule jusqu'à l'organe entier, il est dynamique. Moi, j'aime bien faire cette analogie avec la Sagrada Familia, qui est en fait, une belle basilique, qui est en fait avec des grues en permanence. C'est un chantier permanent. Quel que soit le type de microscope, qu'il soit très puissant pour aller voir des molécules se déplacer, ou qu'on soit sur un niveau beaucoup plus macroscopique, beaucoup plus global et plus local, on s'aperçoit que le cerveau bouge en permanence. Et que c'est peut-être là, d'ailleurs, qu'on a la clé de la mémoire. C'est dans cette dynamique que peut s'inscrire les traces, comme finalement les pneus laissant des traces sur un terrain boueux. On est à la recherche aujourd'hui de ce qu'on appelle l'engramme, ce qui est un peu le graal de tous les spécialistes qui cherchent à comprendre la mémoire. C'est comment peut-on former des traces physiques dans un cerveau. Et donc, en cherchant comment l'on peut comprendre et voir ce cerveau être déformé par l'information, j'aime bien dire que le cerveau, c'est parce qu'il est informable qu'il est déformable. Et donc, de cette déformation, on peut y voir le siège d'une mémoire. Dans mon laboratoire, on s'est toujours posé la question de justement quels pouvaient être les mécanismes qui permettent à l'environnement de laisser une empreinte plus ou moins durable. Et l'on est tombé, avec d'autres chercheurs, sur cette capacité qui nous a beaucoup surpris au départ, et qui continue d'ailleurs à nous surprendre, de voir finalement des bébés neurones éclore, non pas partout, différemment, mais justement lorsqu'on parle de l'hippocampe, dans cette région qui est le siège de la formation de nos mémoires et aussi de la régulation de nos humeurs, de voir des neurones produits à tout âge, quel que soit notre statut professionnel, notre âge, notre statut social, eh bien voilà, une fonction distribuée universellement à nous tous. On peut voir, compter les nouveaux neurones arriver dans le cerveau et de se rendre compte également que la quantité de neurones dépendra de ce que l'on fait avec notre cerveau et notamment est-ce que l'on s'ouvre ou pas au monde qui nous entoure? Et on sait bien qu'il n'y a pas de mémoire s'il n'y a pas d'abord d'exposition à de l'information qui change. C'est pour ça qu'on doit retenir que le cerveau se nourrit du changement ou se détruit de la routine. Donc cette idée que le cerveau adulte puisse produire des neurones, quel que soit l'âge du sujet, évidemment était une vision révolutionnaire, car le dogme central voulait que on naisse avec un quota de neurones et que malheureusement, après l'âge de 18-20 ans, nous étions condamnés de façon inéluctable à perdre nos neurones. Eh bien, aujourd'hui, avec différentes méthodes, c'est encore un champ controversé, mais au moins pour l'hippocampe, il y a maintenant un consensus pour quantifier le nombre de neurones. On est à peu près sur le chiffre de 700 nouveaux neurones par jour. Et en vertu de ce phénomène cumulé, puisque c'est tous les jours que nous vivons, eh bien, on s'aperçoit qu'un individu âgé de 50 ans, il a perdu tous les neurones produits à l'âge embryonnaire et il ne possède dans son hippocampe, dans une région bien particulière de l'hippocampe, des neurones qui auront été produits après la naissance. Et ce qui est intéressant, c'est que ces neurones produits après la naissance apportent des fonctions que les autres ne savent pas faire. Et notamment ces neurones produits de façon post-natale, eh bien, c'est des neurones qui ont été sensibles, beaucoup plus sensibles à l'environnement que les neurones qui ont été produits dans l'utérus. Et donc, c'est là où on peut y voir aussi une espèce de dialectique dans la mémoire entre l'inné et l'acquis. J'ai une mémoire que finalement on m'a transmise par mes gènes, par mes grands-parents, mais aussi par mes aïeux, par le fait que mes aïeux ou mes ancêtres ou nos ancêtres très lointains pouvaient être terrassés lorsque le soleil se couchait par l'obscurité, car nous sommes hyper vulnérables dans le noir, on n'est pas bon, on ne sait pas voir les infrarouges, on ne sait pas sentir de très loin, etc. Eh bien, aujourd'hui, quand vous couchez un enfant de moins de 7 ans et que vous le plongez dans l'obscurité et vous lui dites « bonne nuit » et vous avez oublié la veilleuse, il va pleurer. Il va pleurer. C'est une mémoire, là. C'est une mémoire de l'espèce. Il va pleurer, mais c'est pas lui qui pleure. Ce sont les ancêtres qui étaient terrassés par l'obscurité. Et donc, aujourd'hui, de voir que le cerveau, à l'âge adulte, peut produire des neurones, c'est offrir des potentiels à nous, aujourd'hui, qui font que ces neurones vont pouvoir découvrir un iPhone et puis pouvoir répondre à la nouveauté. On en produit jusqu'à la mort, à condition, évidemment, d'apporter des conditions permissives à l'épanouissement de ce potentiel. Ces cellules qui naissent en permanence n'aiment pas les hormones du stress. On a découvert depuis une vingtaine d'années que lorsque le sujet est face à l'adversité, et donc un nombre d'informations qui lui arrivent sur lesquelles il n'a pas de possibilité d'agir, donc lorsque nous sommes impuissants, lorsque les bras nous tombent, eh bien une hormone se met à être sécrétée pour trouver à notre insu des solutions aux problèmes qui nous entourent. Et cette hormone s'appelle le cortisol, une hormone que l'on peut doser dans les urines, dans la salive et dans le sang. Et le sujet stressé est absolument réfractaire à l'apprentissage. On découvre également que ces bébés neurones, eh bien, aiment bien naître dans et fonctionner dans un cerveau dont le corps est en action. Et donc, on se rend compte que la sédentarité, ce qui est très à la mode, puisqu'on découvre aujourd'hui que nous ne marchons pas assez, on découvre, et c'est vrai depuis longtemps, on le savait dans le cerveau, que la sédentarité est également un frein à la naissance et l'utilisation de ces bébés neurones. Aujourd'hui, les enjeux en matière de connaissance du fonctionnement du cerveau et ses rapports avec la mémoire concernent le fondamental, la connaissance, mais concernent également la maladie. On parle beaucoup de maladie d'Alzheimer. On se rend compte aujourd'hui que sous ce grand terme générique Alzheimer se cachent d'autres formes, un spectre très large de troubles de la mémoire liés à l'âge. Les pistes pour essayer d'apporter des soins à ces pathologies sont multiples. Les premières pistes concernent essayer de faire naître des nouveaux neurones dans la région dont nous venons de parler, l'hippocampe. C'est une piste solide et l'industrie pharmaceutique cherche à mettre au point des substances qui seraient en quelque sorte des vitamines, des engrais pour que ces cellules souches que l'on a dans notre hippocampe puissent être sollicitées et produire des nouveaux neurones. On n'en est que sur des hypothèses expérimentales. Traitements sont basés sur l'idée que l'on aurait des capacités à éliminer des protéines qui s'accumuleraient dans notre hippocampe de nouveau. L'idée est de voir notre hippocampe dysfonctionner, soit parce qu'il n'est plus capable de produire des nouveaux neurones, soit parce qu'il n'est plus capable de se débarrasser de fameux déchets que sont ces protéines devenues insolubles. Et aux grandes surprises des scientifiques, il y a quelques années, 2 ou 3 années, pas plus, on a découvert que notre cerveau avait en sorte une chasse d'eau, qu'il avait les moyens d'éliminer naturellement les protéines qui étaient insolubles et qui s'accumulaient dans le cerveau. À quel moment? eh bien, lorsque nous dormons. Là, on retrouve encore ici la clé peut-être de certaines maladies neurodégénératives et notamment la maladie d'Alzheimer au travers d'un dysfonctionnement du cerveau lorsqu'il dort et notamment cette capacité qu'il a d'évacuer ces protéines insolubles. Et je dirais que les pistes peut-être les plus éclairantes sont des pistes liées à l'inflammation. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une vision non plus neurologique mais sur une vision systémique. Enfin, on va essayer d'aborder une maladie du cerveau au travers des relations du corps et de l'esprit, au travers des relations entre le cerveau et ce que je mange. Et de se rendre compte que, par exemple, l'obésité et d'autres formes de maladies chroniques, d'inflammation chronique, peuvent avoir des effets sur plusieurs organes en même temps. Et que la cible de l'inflammation dans le cerveau, eh bien, peut être aussi une des multiples autres cibles de l'organisme. Donc, je pense que les pistes les plus prometteuses, c'est en fait la vision holistique du cerveau, c'est-à-dire un cerveau embarqué dans un corps. Nous avons, avec mes collègues à l'Institut Pasteur, développer un programme de recherche où nous visons à comprendre les relations physiques, chimiques, nerveuses entre l'intestin, par exemple, et le cerveau. Cette flore intestinale, qu'on appelle maintenant le microbiote intestinal, peut lui-même varier et donc se rendre compte que des troubles du cerveau pourrait venir de ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un dysfonctionnement, d'un déséquilibre de ce microbiote intestinal qui, par effet papillon, va entraîner un dysfonctionnement du système immunitaire. Et comme ce système immunitaire, il communique par des ascenseurs entre le cerveau et l'intestin, eh bien, on aurait des maladies qui viendraient dans notre cerveau et on traiterait notre cerveau en voulant soigner la maladie, alors qu'on soignerait uniquement les conséquences, mais la cause est dans l'intestin. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez. Les éclairs, ce sont des fissures dans un plafond goudronné. Encaisser le choc thermique, échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté. Mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. À son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, chambre de vol. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champ de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Vilain, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne. Oh, hiver indien. Exilé intérieur accroché à son radiateur. Comme c'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon. Mimétisme d'un caméléon. Ici c'est l'empire du môle. Des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine, les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence, entre isolement et repli. Déserteur vu du pays, pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas le Kalonji chez les Diops. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte. Exilé intérieur accroché à son radiateur. L'hiver indien, c'était Balogi. Les aventuriers sur France Inter. Pour le neuroscientifique Pierre-Marie Liédo, comprendre la mémoire, c'est ouvrir des perspectives incroyables, notamment dans le traitement de maladies. De nouvelles technologies dignes de romans de science-fiction permettent d'explorer le cerveau pour comprendre la mémoire. On a donc cherché à développer une méthode, une approche qui nous permet d'être spécifique, c'est-à-dire d'avoir un scalpel ou tournevis et tourner et activer une région précisément sans avoir d'effet secondaire sur les territoires adjacents. Et cet événement a pu émerger lorsque l'on a inventé l'optogénétique et nous avons été parmi les pionniers en France à mettre au point cette technique qui consiste donc à rendre des neurones dans le cerveau sensibles à la lumière. 15 mars 2017, France Info TV. Notre cerveau fonctionne grâce à des milliards de neurones qui communiquent entre eux grâce à des connexions complexes. Pourtant, les scientifiques ont trouvé comment les contrôler à distance avec une technique. L'optogénétique. Une grande découverte, partie d'une toute petite algue. Son secret, elle réagit à la lumière. Les scientifiques reproduisent son ADN, qu'ils insèrent dans un neurone. Résultat, il va réagir lui aussi à la lumière et produire une connexion électrique. Les scientifiques vont pouvoir stimuler avec précision les neurones qu'ils souhaitent étudier et leurs interactions. En quelque sorte, en les allumant ou en les éteignant. Prometteur. Pour l'instant, aucune expérience n'a encore été réalisée sur un être humain. Effectivement, l'optogénétique est une vraie révolution technologique, mais comme toujours, on a besoin de révolutions technologiques pour avancer sur le plan conceptuel. L'optogénétique, c'est le mariage, le terme l'indique, opto de la lumière, mariage de la lumière et la génétique. Et grâce à cette approche, eh bien, on a pu montrer qu'il était possible de produire des fausses mémoires, des faux souvenirs, que l'on pouvait également effacer d'autres mémoires. Donc, on est là en train d'apporter des résultats scientifiques à des bases que l'on connaissait par des thérapies autres telles que la psychanalyse, qui, par le verbe, cherchait à effacer des mémoires suite à un traumatisme. Aujourd'hui, en tout cas, on se rend compte combien la mémoire est fragile, puisqu'on peut la manipuler, puisqu'on peut la modifier, et ça nous interpelle beaucoup sur le fait que parfois un jugement est basé sur le témoignage d'un témoin 15 ans plus tard. Quand on voit combien cette mémoire est fragile, je suis perplexe. Aujourd'hui, l'application de cette technique concerne les rongeurs, concerne les poissons, concerne les primates non humains. Et pour des raisons évidentes d'éthique, eh bien, le passage à l'humain ne s'est pas fait et je le souhaite, ne se fera jamais. 1990, Total Recall, de Paul Verhoeven. Rafraîchissez-moi la mémoire. Vous étiez intéressé par un souvenir de... Mars. Bon, voyons voir. Le forfait sans option pour Mars vous coûtera 899 crédits. Ça, c'est pour 2 semaines complètes de souvenirs, précis jusqu'au moindre détail. Pour un voyage plus long, c'est un peu plus cher parce que l'implant est plus profond. Et c'est quoi le forfait, 2 semaines? Cabine individuelle dans la navette, somptueuse suite au Hilton, visite guidée, le Mont Pyramide, le Grand Canal et bien entendu, Vénusville. Oui, mais franchement, ça a l'air vrai. Aussi vrai que n'importe lequel de vos souvenirs. Voyons, ne vous foutez pas de moi. Ah non, je vous assure, votre cerveau ne fera aucune différence. C'est garanti, vous êtes remboursé. Et le mec que vous avez lobotomisé, il a été remboursé? Ça, c'était le Moyen-Âge. De nos jours, quand on voyage avec Ricole, on risque moins qu'en prenant une fusée. Regardez ces statistiques. Et en plus de vraies vacances, c'est l'horreur la plus complète. On a un temps dégueulasse, les valises se perdent, les taxis vous arnaquent. Quand vous voyagez avec Ricole, tout est parfait. Alors, ça vous dit? Il est clair qu'aujourd'hui, on est là. Les enjeux sont posés. Sommes-nous capables de modifier la mémoire? Oui, il existe des molécules que l'on va donner à des personnes souffrant de traumatisme. Donc, on va effacer une partie de leur mémoire pour leur bien-être. D'autre part, on voit arriver ce qu'on appelle les smart drugs, c'est-à-dire ces molécules intelligentes qui vont agir sur le cerveau pour doper ce cerveau, qu'il soit beaucoup plus concentré, attentif, et donc la mémoire sera plus grande. Donc il y a aujourd'hui une application à l'humain de cette connaissance qui a été, comme on l'a dit, à peu près sur une incubation de 30 ans d'accumulation d'un corpus de connaissances qui permettent aujourd'hui d'envisager les outils. Mais ces outils, nous devons les appliquer avec un minimum, je dirais, d'égards éthiques. Et ce qui ne se fait pas aujourd'hui dans ce débat de l'utilisation de cette connaissance devrait se faire. On devrait partager l'ensemble des connaissances pour que l'ensemble nous puissions définir ce que nous voulons de l'humain. Voilà, les enjeux aujourd'hui dans le monde neuroscientifique, c'est de pouvoir apporter des appuis par des outils technologiques à ce cerveau pour réparer ce cerveau lorsque il a perdu certaines capacités. Et l'idée que la technologie puisse supplier à des fonctions qui malheureusement peuvent disparaître avec l'âge, c'est un espoir. Mais gardons aussi à l'esprit que une autre façon d'augmenter ce cerveau en quelque sorte, c'est l'éducation. Quand nous sommes face à la nouveauté que nous comprenons, nous sommes aussi en train d'acquérir des nouvelles capacités. Cette démarche-là, finalement, elle porte un nom. C'est le désir. Le désir. Et nous devons tous avoir ce désir d'apprendre, le libido sciendi, ce désir de nous porter dans le futur et de voir le futur et de revenir dans le présent grâce à ce cerveau qui est une machine finalement qui nous bascule dans le passé, le présent et le futur, et de d'avoir nos actions guidées par le futur, c'est-à-dire le désir, et non pas en permanence « je veux tout, tout de suite et maintenant ». Pierre-Marie Liédo, directeur du laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur, est l'auteur de « Le cerveau, la machine et l'humain » publié chez Odile Jacob. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission et la podcaster sur le site de France Inter, comme toutes celles de cette saison estivale. Même celles qui ne sont pas encore diffusées sont à votre disposition en avant-première. Je me permets aussi de vous rappeler que Les Saventuriers se déclinent en livres. Les grandes épopées qui ont fait la science est édité chez Flammarion en partenariat avec France Inter. Clément Baudet réalise Les Saventuriers, Irène Menahem a préparé cette émission, à la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son Selim Guéribi et Théo Gomard. Romain Couturier de la discothèque de Radio France a aussi participé à cette émission. Au programme la semaine prochaine, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Samedi, avec l'astrophysicienne Françoise Combes, vous partirez aux confins de l'univers. Et dimanche, avec le physicien Julien Bobroff, vous découvrirez le monde merveilleux de la physique quantique. Très bonne semaine à tous !